Les épingles par Jacques Cézanne. Vous me dites que vous m'aimez, mon ami, je vous crois. Mais je crois aussi que vous avez dit cela à bien d'autres femmes, et que vous étiez sincère alors, comme vous l'êtes aujourd'hui. Bien d'autres, fit Bonaparte en souriant, voyant cela. Au d'abord, il y a la générale. Vous ne direz pas que vous l'ayez aimée. Je ne le nierai pas. Et que vous ne l'aimiez toujours? Comme une camarade un peu fantasque, un peu frivole, un peu légère, mais foncièrement bonne, et à qui je n'oserais pas faire de la peine. Madame R. de S. n'insista pas. Elle savait que, depuis les incartades de Joséphine, le ménage s'était raccommodé tant bien que mal, mais c'en était fait de la passion que Bonaparte avait jadis éprouvée pour elle. Vous avez dit aussi que vous l'aimiez à la jolie petite Madame Fourès, celle que vos soldats appelaient en Égypte la Cléopâtre. Oh, vous pouvez être assuré que je ne lui ai jamais fait de grands serments, et qu'elle ne s'est jamais mis en tête de m'en demander. Et puis vous avez dit cela à la signora Grassini, que vous avez ravie naguère au théâtre de la Scala, pour l'amener à Paris, attachée à votre char de triomphateur. J'aimais la Grassini pour son art, comme j'aimais Madame Fourès pour son espièglerie. Et moi, pourquoi m'aimez-vous? Inutile de vous dire que vous êtes gracieuse et jolie, et la plus gracieuse et la plus jolie de toutes. Cela n'eût pas suffi, vous le comprenez bien, pour m'attacher à vous. Ce qui me plaît en vous, c'est ce que je n'ai encore trouvé dans aucune de celles dont je me suis approché. Cette tenue, cette finesse, cette sobre élégance, cette suprême distinction de la race, ce tact incomparable, qui fait que vous trouvez en toutes circonstances l'attitude, le geste, le mot qui convient. Vous seriez à votre place partout. Mais c'est dans le luxe et le faste. Oh, dit la jeune femme avec un sourire désabusé. Je sais que la révolution a ruiné votre famille et celle de votre mari. Mais j'entends confier à celui-ci une des plus hautes charges de la République. Écoutez, vous êtes la plus exquise des amies. Vous pouvez être pour moi la plus précieuse des alliés. Les Jacobins me haïssent parce que j'ai ramené l'ordre et l'autorité dans ce pays. Il me semble que le faubourg Saint-Germain aurait mauvaise grâce à me bouder plus longtemps. Vous m'aiderez à conquérir ce monde qui est puissant encore et sur lequel il faut que je m'appuie. Vous savez que je vous suis tout acquise, mon ami. J'ai toujours eu foi dans l'étoile du général, alors que je ne connaissais de lui que sa renommée. Comment ne serais-je pas l'allié fidèle du premier consul à qui j'ai donné mon cœur? Bonaparte baisa la main de la jeune femme. Nous ferons de grandes choses, dit-il. Il la regardait en souriant comme il savait sourire. Il ajouta. Et maintenant, il faut que vous me permettiez de vous offrir un souvenir. Je ne puis supporter que celle que j'aime n'ait pas dès maintenant la parure qui convient à son rang. Il se dirigea vers un secrétaire, ouvrit un tiroir, et en tira un écrin qu'il présenta à la jeune femme. L'écrin contenait une magnifique rivière de diamants. Napoléon, murmura-t-elle. Une rougeur subite avait envahi son visage, et sous le jeune sein qui gonflait la frêle étoffe du corsage, son cœur battait à se rompre. « Napoléon, reprit-elle, je ne puis accepter. » Et il fronça les sourcils. « Je le veux. » Et comme elle restait interdite à l'accent qu'il avait pris soudain, il ajouta avec plus de douceur. « Je le désire, mon ami. » Elle secoua lentement la tête, mais Bonaparte trouva l'argument suprême. « Si vous m'aimez. » Alors elle dit gravement. Je vous aime, mon ami, et j'accepte. Quelques minutes plus tard, le valet de chambre Constant la conduisait à travers le dédale de corridor qu'il avait amené à ce cabinet dérobé des Tuileries. Le soir même, la comtesse R. de S. disait à son mari « Je sors de chez ma marchande à la toilette, la mère Noël. Elle m'a montré une superbe rivière de diamants qu'on aurait à un prix dérisoire, mais à condition qu'elle fût payée sur le champ. » Elle appartient à une belle impure qui a besoin d'argent. Mais il me semble, ma chère, que nous ne sommes guère en situation de nous acheter des rivières de diamants. Tout dépend du prix. Je vous dis qu'on aurait ces diamants pour presque rien. C'est une excellente affaire. Et puis, songez que je ne peux me passer plus longtemps de parure. Combien la mère Noël veut-elle de ce bijou? 10 000. C'est bien, je vais voir. Le comte se rendit en effet chez la revendeuse, demanda à voir la rivière. L'examina en connaisseur, l'acheta séance tenante, et s'en fut ensuite chez le joaillier Dubief, qu'il connaissait de longue date. « Cher monsieur, combien m'estimeriez-vous ce bijou ? » Les pierres glissèrent entre les doigts habiles du bijoutier qui répondit « 80 000 ». « Et vous le prendriez à ce prix, sans hésiter ?»« Eh bien, donnez-moi la somme, il est à vous. » Le marché fut aussitôt conclu et le lendemain, le comte R de S touchait les fonds. Lorsqu'il se retrouva vis-à-vis de sa femme pour le dîner, il lui dit négligemment « Vous aviez raison, ma bonne amie, cette rivière était une occasion exceptionnelle. Si exceptionnelle que, soucieux de mener à bien les affaires de la communauté, je l'ai revendue immédiatement à Dubieuf, 80 000. Voici donc 10 000 francs que vous remettrez à la mère Noël, qui n'aura pas perdu son temps, et puis voici 5 000 pour vos épingles. Vous devez être contente, j'espère. » De méchantes langues assurèrent que le comte R de S n'avait pas été dupe du petit manège imaginé par sa femme et qu'il s'était attribué délibérément les 65 000 francs restants pour prix de sa disgrâce. Nous n'en voulons rien croire, mais ce qui semble assuré, c'est que l'infortunée comtesse n'osa plus jamais se retrouver en présence de Bonaparte, et celui-ci, un peu déçu sur le chapitre des femmes du monde, tourna ses regards et ses aspirations vers la scène du théâtre français où se levait radieuse l'étoile de Mademoiselle Georges. C'était Les Épingles par Jacques Cézanne.